Jet. 40 ans, 40 heures de live. Happy birthday. Fat Jet, il est 1h. Et c'est parti pour la 30e heure de direct. Comment t'es arrivé à Fat Jet ? Au début, c'était à cause d'un stage Pôle emploi qui s'est très bien passé. On ne savait pas trop où me mettre. On m'a dit, la radio, ça peut être un exercice sympa. Et ça l'a été. Et on m'a dit, juste à la fin de mon stage, on m'a dit, viens, reste. Du coup, je suis resté. C'est par le biais d'un ami qui était animateur, Serge, qui animait coup de cœur sur Fat Jet. Il m'a proposé de faire un essai. Et j'ai dit, pourquoi pas? Alors, il pensait que j'allais faire une émission culturelle sur l'histoire, parce que je veux faire une histoire, mais non, j'ai préféré la musique, c'était plus mon truc. C'était par les réseaux sociaux, et en fait, j'ai vu qu'on pouvait créer une émission, et voilà, que n'importe qui pouvait créer une émission. Je me suis dit, on va voir, on va essayer. Et c'est chouette d'avoir cette possibilité-là, quoi, de se dire, je vais créer quelque chose. Voilà. 1985, 2025, Fat Jet, les bonnes ondes NCN. Eh bien oui, vous êtes toujours dans l'émission Club Sensation jusqu'à 3h du matin. Et c'était la première heure avec du bon son hardstyle. Et puis on a terminé en version hardcore. Et là, on va faire un petit versus avec DJ Chronos. Comment tu vas bien? Ça va bien. Écoute, je suis ravi d'être là. Oui, voilà. Et tu nous as mis le feu avec ton hardstyle. C'est clair. Tu nous as. T'es parti en train de manger avec les gros kegs un bon gâteau pour ce soir. Je suis parti boire une petite boisson bien sympathique avec quelques bretzels. Avec modération. Ouais, j'espère que tu t'es bien régalé. Et bien pour cette deuxième heure, on va poursuivre avec du son trans, on va calmer un peu le jeu et là on va faire un petit versus avec DJ D versus DJ Chronos. Yeah. Allez, c'est parti avec le son de Dimension, ça s'appelle Breath of Life. We'll be right back. blessings on their way. We'll be right back. Who says it's wrong? Who's defining the right? Don't tell me what to do, teacher. You've taught us a knife. A portion of the creation calling us wild. Who says it's bad? What my heart wants. Let them say. Club Sensation sur Fadjet. Sur Fadjet. Club Sensation sur Fadjet. I want you to know I will love you as long as I breathe. Thank you. the mindless crying behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Thank you. Passion, DJ Chronos. Club Sensation sur Fadjet. Yeah. Vous êtes bien dans Club Sensation sur Fadjet pour les 40 ans et 40 heures de live. Pour ce week-end, on était dans la 30e heure et là on va enchaîner avec la 31e heure. Eh bien, DJ Chronos, on a fait un petit versus, n'est-ce pas ? Très agréable, je suis très très content d'être là et d'avoir qu'on soit ensemble parce que la musique c'est d'un amusement. Tout à fait, et en plus de nuit comme ça, c'est magnifique. On se croirait un festival devant 4000 personnes. Hein ? Exactement, tout à fait.